Je suis avec Vayne Valkyrie et leurs deux membres, à savoir Yann et Simon. Salut les gars, merci pour votre temps. Salut, salut. Salut, merci à toi. Donc on va parler essentiellement de votre nouvel album Wonders qui va sortir le 20 mars 2026, donc dans pas si longtemps maintenant, enfin, un petit mois. Déjà, je voudrais commencer par un aspect qui, moi, me plaît bien et que je trouve est important de suite, c'est que vous faites de la musique en famille, et pour cause, vous n'êtes que deux dans le groupe et vous êtes frères. Pourquoi avoir fait ce choix finalement de rester entre vous et de ne pas aller chercher des instruments et d'autres membres, comme ça se fait un peu plus traditionnellement? En fait, à la base, on avait un groupe. En fait, on a commencé à jouer de la musique ensemble quand on était au collège, en gros. Avant, on faisait de l'école de musique, on a fait des percussions ensemble, on a appris la batterie et tout ça, les timbales, tout ça ensemble. Et donc, après, on s'est mis à faire du rock dans un groupe avec un pote bassiste. Et on s'est mis dans ce groupe-là, il a duré assez longtemps, on a fait 10 ans dans ce groupe-là. Et puis on s'est dit, on avait envie de monter un side project à côté, quoi. Donc on va à deux, quoi, pour rigoler, pour essayer. Se prendre un truc un peu moins compliqué, enfin voilà, un truc où on se prend pas trop la tête. Et donc voilà, c'est devenu un peu notre main project de jouer des trucs à deux ouais, de retourner vers ce minimalisme au niveau des instruments ouais, ça va à l'essentiel tout ça quoi. Ouais, ça va à Donc voilà, c'est l'essentiel ça qu'on aime sans. bien. Pardon. Oui, ça va à l'essentiel sans perdre en puissance, sans perdre en. Enfin, ça reste très intéressant. C'est ce qu'il faut quand même préciser de suite. C'est que c'est pas parce que vous êtes que deux qu'on ressent forcément un manque de quelque chose. Ouais, bien sûr. On essaie de remplir. Bon, en fait, à la base, le groupe, il est né d'un son, quoi. C'est quand on a essayé de brancher une guitare sur plein d'amplis de jouer de la grosse batterie que Simon joue. Voilà. Ça, c'est sûr que. En fait, il y a un côté défouloir vraiment dans le truc, dans le projet. Mais en même temps, de faire un. Ouais, de jouer en mode de poche, mais avec un gros son, quoi. C'est un peu l'idée de la chose à la base, puis voilà, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, avec des morceaux un peu plus chiadés qu'au début, hein, peut-être. C'est vrai qu'il y a une évolution, effectivement. Oui, et puis voilà, puis travailler à deux frères, bon ben voilà, c'est quand même plus simple aussi, quoi. Oui, bien sûr. Toute l'entente, on se connaît, quoi. Oui. C'est plus facile pour se retrouver le dimanche. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, justement, votre style, moi je le trouve intéressant, mais pas forcément facile à définir et pas forcément conventionnel. Comment vous le définiriez-vous? Je dirais que c'est surtout des influences des années 90 qui nous marquent en fait à la base. Ouais, ou du Cavin et du Method Man, en fait des choses qui vont vraiment qui groove un peu et tout ça. Ouais, en gros, ouais, c'est un peu tout ce qui c'est un peu grungy, ouais, on est vraiment grunge à fond. Ah, c'est ça, ouais. On a vachement baigné dans le grunge toute notre enfance et adolescence, quoi. Ouais, c'est ça. Ça paraît aussi assez logique. Ouais, Ok. Oui, donc tu le disais, plutôt des influences grunge, voire des Mutual Inman qui est, ouais, je trouve un très bon exemple qui colle qui se rapproche par certains aspects sonores à votre musique, ouais. ouais. Oui, et puis après on a découvert le djent et voilà, mais ouais, tout vient du grunge à la base et puis après ça a dérivé. Dans cet album, vous avez choisi des thématiques qui sont un peu plus terre à terre que dans le premier, et vous pointez du doigt un peu des aspects assez néfastes de la société moderne. C'était important pour vous de revenir sur des choses qui sont un peu plus concrètes, un peu plus terre à terre que sur le premier? Ouais, bah en fait, j'ai quand même souvent du mal à faire des morceaux avec un vrai message. C'est plutôt des idées souvent. Et donc là, oui, ouais, on est, je suis reparti plus sur des choses un peu plus terre à terre, ouais, comme tu dis. Donc ouais, ça parle de. Mais c'est souvent aussi dans l'ironie, puisque enfin ça reflète un peu l'ambiance actuelle, quoi, avec plein de choses pas cool, quoi. Et donc oui, c'est le mood est pas forcément super enjoué, mais après c'est comme ça, quoi. J'ai un peu de mal à écrire des choses. Joyeuse dans ce mode Je comprends. d'environnement. Ouais. Ouais, vraiment, Yann, c'est toi qui t'occupes de toute la partie écriture des paroles. Ouais, Simon, c'est ça. t'as pas ton mot à dire là-dessus. Ah non, non, non, ouais, y a même des paroles que je découvre tard, au Ouais. final. Ok. Ouais. Après c'est ouais, c'est pas forcément c'est pas le un one band band non plus quoi c'est Simon il a son mot à dire à chaque fois tout ça quoi mais Ah non, super, oui, souvent non. c'est moi qui lance les trucs et après ça se Ah passe comme ça quoi voilà. oui, je suis décisionnaire quand même, surtout, évidemment. Oui, bien sûr. vous faites énormément de choses ben, vous-même, dont la pochette. C'est important pour vous d'être des artistes complets, je dirais, de pouvoir d'avoir cette main sur le projet un peu de A à Z, ou c'est plus une question de entre guillemets de finances qui fait que vous faites tout vous-même? Je me permets sinon Bah de oui, vas-y, continuer. c'est toi. En fait, c'est plutôt ouais, c'est un peu des deux. C'est qu'à la base, c'est qu'on n'a pas enfin, forcément les moyens. Puis après, ça devient aussi un peu un défi quoi, de faire des choses par nous-mêmes, complètement DIY, comme on dit. Et donc, ouais, après, il y a une espèce de. C'est un peu gratifiant quoi, d'amener les choses au bout et tout ça quoi mais ouais c'est ça c'est la pochette je l'ai faite sur Unreal Engine par exemple puis ça partait d'une idée comme ça de montagne inversée avec donc oui ça reprend un peu le Wonders à la base l'album on voulait l'appeler Negative Wonders. Et puis on s'est dit, on va faire un. Donc c'est pour ça, à la base, j'avais cette idée de montagne inversée un peu. Ah, oui. Et donc, finalement, l'appeler Wonder, c'est moins évocateur, c'est plus peut-être poétique. Et donc, voilà. Donc oui, c'est ça, ouais, le côté DIY, on le revendique aussi, c'est pareil. Tout ce qui est. Enfin, cet album-là, on l'a pas mixé nous-mêmes. Mais c'est ceux d'avant, on a tout fait. C'est moi qui ai mixé et masterisé les opus précédents. Ok. Et donc, ouais. C'est un peu le délire, quoi. On aime Non, oui, et bien puis faire tout, voilà. tout nous-mêmes. Et Yann a des idées bien précises, un univers quand même assez construit, donc permet d'être fidèle à ce qu'il a dans la tête aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, bah, c'est sûr que c'est la meilleure façon de d'avoir une continuité artistique totale que de faire les choses soi-même jusqu'au visuel, oui. Ça, c'est clair. Donc vous avez, enfin comme on le disait tout à l'heure, vous êtes deux dans le groupe. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de la partie live. Comment vous gérez ce fait de monter sur la scène, d'être finalement que deux, et donc d'avoir besoin de prendre un peu l'espace, hein. Surtout que toi, Simon, tu es un peu bloqué forcément derrière ta batterie. Alors ouais, mais alors moi je suis bloqué derrière ma batterie, mais je sais que je suis très expressif quand je joue. Non, ça a toujours été, ouais, c'est vraiment mon exutoire total. Puis en plus, la musique fait que c'est quand même un bel exutoire aussi. c'est assez sportif et tout. Donc, je sais que je remplis quand même pas mal visuellement. Ouais, puis en fait, c'est nous, c'est plutôt espace sonore quoi qu'on revendique plus que l'espace visuel. Alors, après, j'avais mis en place pour la release party d'avant des jeux de lumière en fait que je contrôlais avec mon pedalboard directement. Là, ça, j'ai un peu abandonné parce que c'est un petit peu lourd parce que du coup, c'est ça en concert, c'est que j'ai pas mal de jeux de claquettes quand même. Avec des effets à activer, à désactiver, des circuits de basse à envoyer, et ainsi de suite, quoi. Donc, il y a pas mal de. C'est sûr que quand on est deux, faut réfléchir un peu plus à Sa prestation. comment on veut que ça sonne. Mais ouais, c'est cool, quoi. C'est trop bien de faire des concerts. Et puis, apparemment, ça plaît pas mal à chaque fois, donc c'est cool, quoi. Ben justement, où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver? Parce que là, dans un mois, vous sortez votre album. Je suppose que vous allez vouloir le défendre sur scène. Où est-ce qu'on peut espérer vous voir prochainement? Ben pour l'instant, on a une release party au Furie défendu à Rouen, c'est une nouvelle salle qui est ouverte là. Et après, il y a des dates qui vont tomber, on n'est pas encore super confirmé sur les autres dates, donc on va pas trop en dire. Il n'y a pas de Mais pour souci. l'instant, on a ça. Ouais, vous essayez quand même de vous attaquer un peu à toute la France ou vous restez quand même centré autour, on va dire, de Rouen, Paris, ces grosses zones-là. Bah oui, on va essayer de descendre aussi hein, un petit peu Voilà, on parce va essayer de faire que un axe. pour l'instant, le plus loin qu'on a été, c'était on a fait à En Angers. Non, on a été même Angoulême, ouais, je on a fait crois. Angoulême. Angoulême, Limoges. Ouais. Ouais. Oui, donc Mais sinon, il y a encore des scènes à explorer un il y peu en plus au a sud. un Ok. Bah, écoutez, super. Bah, les gars, moi j'en ai fini avec mes questions. C'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Et bah, j'invite à toutes les personnes qui pourraient être très intriguées par justement ce duo. On va dire à la Mutoid Man, à aller vous écouter, vous découvrir. Vous avez sorti un très bon album, très sympathique. Donc, il faut aller Merci. le découvrir. Et Merci. donc, on va espérer vous voir bientôt proche de chez nous ou ailleurs, mais pour que les gens puissent vous découvrir. Ah ouais, carrément. On va essayer, oui. Merci, à bientôt. Merci Merci à beaucoup. toi. À bientôt.